Alors ce soir, Bernard de Montréal, je vous propose d'aborder un sujet qui est un problème, une question centrale de l'existence, le problème de la souffrance et le mystère du mal. Les deux inclus dans le grand cirque de la lutte humaine, comme disait Feu Krishnamurti. Vous connaissez sans doute la formule suivante. Si Dieu veut empêcher le mal, mais ne le peut pas, il manque, en tout cas il est impuissant, il manque de puissance. S'il peut empêcher le mal, mais ne le veut pas, il manque de bonté. Et s'il le veut et le peut, alors d'où vient le mal? Quel est donc ce Dieu impuissant ou malveillant? Mais que l'on soit croyant ou non, comment se fait-il que nous soyons toujours frappés dans ce que nous avons de plus cher, comme si notre seul crime fût d'aimer? Et plus on avance dans la vie, et plus il nous faut lâcher de gros morceaux, c'est-à-dire parents, amis, enfants, etc. Alors ce sont peut-être des questions qui ne concernent pas les jeunes générations, mais lorsqu'on commence à avoir 40 ou 50 ans, on cherche un sens, un but à la vie, à l'existence. À ce régime, et vu notre vulnérabilité, on a bien de la peine à se forger une philosophie de gagnant ici et maintenant. Ou tout simplement avancer et grandir dans la dignité, parce que pour gagner quelque chose, il faut toujours perdre quelque chose. C'est pas facile à comprendre, mais c'est la vie. Et en résulte habituellement deux attitudes. La première en est une de soumission et la deuxième de révolte. Mais aucune de ces deux attitudes ne peut satisfaire longtemps l'esprit humain. Mais est-ce qu'il peut en être autrement pour des êtres limités dans une création inachevée? C'est un peu la question que je vous pose, Bernard de Montréal. Vous m'excuserez au cours de la soirée si j'éternue, mais j'ai le rhume un peu. Le problème du mal, ce que nous appelons le mal, ou la souffrance du mal sur notre globe, c'est un problème qui vient du fait extrêmement réel de la conscience de notre planète. Nous avons essayé d'exposer depuis quelques années dans le monde que la conscience de l'homme est une conscience expérimentale. Ce n'est pas une conscience réelle. C'est une conscience expérimentale. Une conscience expérimentale, c'est une conscience qui est en voie d'évolution, en voie de développement, en voie de composition en fonction de ses principes. Donc, l'homme aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, il épouse, il est l'enfant d'une conscience, il est le produit, si vous voulez, d'une conscience qui est expérimentale et qui a duré depuis des siècles, des millénaires, conscience qui devra un jour devenir créative. Et tant que la conscience humaine ne sera pas créative, elle demeurera expérimentale, donc elle sera naturellement assujettie aux lois de l'évolution. Et dans le culte de cette définition, elle sera assujettie aux lois de la mort. Dans le culte de cette définition, elle sera assujettie aux lois de l'astral, aux lois de l'entitisation de l'homme, donc aux lois de la gestion psychique de la conscience humaine, à partir de plans qui sont parallèles à la conscience de l'homme, mais dont l'homme n'a pas conscience parce qu'il est encore à un stade de conscience expérimentale. Donc, l'être humain, l'homme de l'évolution, l'homme qui vient, l'homme nouveau, sera amené de par une certaine connaissance nouvelle, de par une certaine définition nouvelle de la réalité, il sera amené à prendre conscience. Il ne sera pas créatif tout de suite, mais il commencera à prendre conscience. Donc, il partira du stage de la conscience expérimentale, il prendra conscience, et demain, il deviendra créatif. Et lorsque l'homme deviendra créatif, il entrera dans sa puissance, c'est-à-dire qu'il aura la capacité, finalement, de voir, de comprendre les lois de l'invisible, les mondes de l'invisible. Il commencera au niveau de sa conscience humaine à partager la vie dans sa nature réelle, et non pas simplement dans sa nature philosophique subjective. Autrement dit, la vie ne sera plus simplement un espace-temps limitatif basé sur le principe matériel, vital, émotionnel et mental de l'homme. La vie sera une totalité comprenant à la fois les paramètres exigeants d'un espace-temps matériel, contigu avec une organisation psychique, et en plus, elle sera, cette vie, perméable à des infusions d'énergie, de forme, d'intelligence, de puissance révélative, révélatrice, créative, générative, qui font partie des sous-plans de la réalité dont lui est simplement aujourd'hui et depuis des millénaires l'expression expérimentale, c'est-à-dire l'expression qui n'a pas encore pris conscience totale d'elle-même. Donc, si le mal existe, si la souffrance du mal existe, si les hommes, depuis des siècles, ont essayé de trouver des réponses philosophiques à la nature du mal, c'est parce que l'homme, depuis des siècles, a pris lentement conscience de son impuissance. Et en prenant conscience de son impuissance, il a pris conscience d'un besoin philosophique de relever le défi de la vie, mais d'une façon purement psychologique. Purement psychologique. L'homme, aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, c'est un être philosophique. Ce n'est pas un être en puissance. Regardez, vous avez probablement dans la salle, comme vous avez dans le monde entier, surtout dans le monde occidental, vous avez des êtres qui vont à l'université, qui étudient les livres, qui cherchent dans les bouquins de philosophie, de psychologie, qui cherchent des réponses à la vie, et qui cherchent des réponses à la vie en relation avec d'autres êtres qui ont écrit les livres dans les bouquins philosophiques et psychologiques, qui eux-mêmes cherchaient des réponses à la vie, et ainsi de suite. Donc, l'homme retourne ainsi historiquement à la genèse historique et psychologique de la connaissance. Il retourne à Socrate, il retourne aux bouddhistes, il retourne à des êtres qui commençaient un peu à bénéficier d'une intelligence capable de faire un diagnostic aveugle de la réalité humaine, mais qui n'avait aucun ou aucunement la puissance créative de faire descendre dans la matière, je veux dire de faire descendre dans le mental de l'homme, dans l'émotion de l'homme, dans le vital de l'homme, dans la matière physique de l'homme, cette énergie dont lui est construit, dont lui est lumière, pour finalement faire éclater le voile de l'espace-temps, donner à l'homme sa totale liberté et étendre à jamais, sur le cercueil de l'histoire, ce voile noir de l'opacité mentale du mensonge cosmique qui fait partie de tous les thèmes philosophiques, historiques, poétiques que nous avons connus pendant l'évolution et qui ont fait partie de notre conscience expérimentale, qui ont fait partie de notre poésie, qui ont fait partie de ce grand endormitoire de l'homme, mais qui n'ont donné à l'homme aucune capacité créative de s'implanter sur une planète, non plus en tant qu'être expérimental, mais en tant qu'être créatif, connaissant parfaitement les lois cosmiques, les lois du mensonge, les lois de la lumière comme les lois des ténèbres, les lois de la vie comme les lois de la mort. L'homme ne peut pas se permettre de vivre en dehors de la réalité. Il ne peut pas se permettre indéfiniment de vivre dans l'antichambre du réel, mais il devra comprendre un jour que pour rentrer, pour pénétrer derrière le voile, il sera obligé de mettre par terre, de créer un saccage total, de faire effondrer les piliers du temple qui ont servi à son évolution, ensuite il pourra, s'il a la force, entrer dans une autre évolution et comprendre qu'est-ce que c'est le mal. Donc, il comprendra que le mal n'est que la perturbation psychique d'une vibration dans le mental de l'homme créée par des intelligences qui vivent et qui évoluent dans des mondes parallèles, qui utilisent les mémoires des morts pour créer à travers l'homme, à travers la messagerie mentale, à travers la messagerie émotionnelle de l'homme, créer des chocs que l'homme, lui, ne connaît pas, ne comprend pas, mais qu'il subit et qu'il appelle souffrance. L'homme, un jour, sera obligé de connaître le monde de la mort d'une façon mentale, de la même façon qu'il puisse connaître le monde de la matérialité d'une façon mentale. Le monde de la mort, la compréhension du monde de la mort, la compréhension des lois occultes de la mort, la compréhension des lois occultes de l'invisible, sont des compréhensions qui font partie intégrale de la ressuscitation psychique de l'homme. Et tant que l'homme ne pourra pas faire ceci, et qu'il sera obligé ou qu'il se sentira trop faible pour avancer dans un domaine, que lui, en tant qu'ego, lumière, n'aura pas réussi finalement à complètement éventrer, ne demandez pas à l'homme de savoir et de comprendre qu'est-ce que c'est que la souffrance, d'où vient la souffrance, et niaiser pendant des siècles à résoudre des énigmes qui ne se résolvent pas. Si Dieu avait le pouvoir, pourquoi est-ce qu'il le fait? Si Dieu n'avait pas le pouvoir, pourquoi est-ce qu'il le fait pas? Si Dieu est d'autre chose, pourquoi? C'est l'histoire des singes. L'homme sera obligé, quelque part dans le temps de l'évolution, là, individuellement, je ne parle pas de l'homme collectif, je ne parle pas de l'homme associé psychologiquement à l'historicité des nations, je ne parle pas de l'homme qui fait partie de la continuité historique des dogmes théologiques des universités ou des églises ou des religions, je parle de l'homme intégral, l'homme qui est à la fois principe, à la fois matière et à la fois lumière. Cet homme sera capable de définir finalement la réalité, de dire, bon, Dieu existe ou Dieu, il n'existe pas. Le vrai, il existe ou le vrai, il n'existe pas. Le mensonge cosmique ou le mensonge cosmique n'existe pas. Et définir, et définir, et définir, et définir tout ce qu'il amènera sur la table de la nouvelle connaissance. Et ceci, il pourra le faire en fonction de son pouvoir. Il pourra le faire en fonction de sa puissance. Il pourra le faire en fonction de la diminution de l'activité de sa mémoire subjective sur son mental. Il pourra le faire en fonction de sa lumière. Il pourra le faire en fonction de son feu à travers la parole. L'homme sera libre. Donc, à ce moment-là, il comprendra les lois de la souffrance. Et comprenant les lois de la souffrance, il pourra commencer finalement à défaire ce qui a été fait en relation avec l'humanité depuis des siècles et en fonction de sa propre vie depuis 10, 15, 20, 30, 50 ans. Il comprendra. Mais tant que l'homme n'aura pas le courage de vivre ce qu'il sait, il ne pourra jamais savoir. Il aura beaucoup de connaissances. Il y a beaucoup d'hommes dans le monde qui ont de la connaissance. Les universités en sont pleines, les églises en sont pleines, la planète en est pleine, d'hommes qui ont de la connaissance. Mais ce n'est pas la connaissance que l'homme a besoin. La connaissance, ce n'est que la manifestation créative de la parole. Ce que l'homme a besoin, c'est le pouvoir d'une parole. Et le pouvoir de la parole intégrale de l'homme, elle est équivalente à son pouvoir psychique de supporter sa propre lumière. Donc, à ce moment-là, la connaissance ne sera pas pour lui, elle sera pour l'homme qui écoute la parole. À partir du moment où l'homme cessera de vivre de la connaissance, il cessera de souffrir. Donc, si vous me demandez quelle est la source de la souffrance, d'où vient la souffrance vient que la connaissance sur notre planète n'est pas une connaissance réelle. Si la connaissance était réelle sur notre planète, l'homme ne vivrait pas sa vie émotivement, mentalement, psychologiquement, historiquement, politiquement, économiquement, idéologiquement, comme il la vit. L'homme aurait le pouvoir de sa propre énergie. Il ne serait pas distiable. Il ne serait pas affrontable. Il ne serait pas discutable. Il ne serait pas influençable. Il serait intégral. Mais il respecterait les autres hommes, parce que l'évolution est hiérarchique. Mais tant que l'homme n'aura pas compris que la connaissance est une illusion de l'évolution, que la connaissance est une illusion de l'évolution, quelle que soit la hauteur de cette connaissance, le sacré de cette connaissance, je parjure. Et quand je dis que je parjure, je dis que j'amène à jurer par moi des êtres dans l'invisible pour disprouver que la connaissance est indestructible par un homme conscient. Je parjure. Je mets à défi n'importe quelle intelligence dans l'invisible de me prouver qu'un être humain n'est pas capable de faire plier le temps de la connaissance. Et le problème de l'homme, il est là. Il a toujours été là et il sera là jusqu'à temps que l'homme, individuellement, passe de l'involution à l'évolution. Il ne s'agit pas pour l'homme de baiser les pieds de la statue de la philosophie. Elle se les baise elle-même. Si les réponses que l'on cherche sont philosophiques ou poétiques, comme vous dites, le mal a une réalité qui est autre que philosophique ou poétique. Le mal a une réalité. On ne peut pas résoudre l'équation simplement en évacuant la religion ou en évacuant un principe créateur. Le mal est issu d'une condition philosophique. Le mal est issu d'une condition philosophique. Apportez-moi n'importe quel mal et je vous le pourvrai. Moi, j'ai une fille que j'aime. Elle meurt demain matin. Elle change de plan. Je la rencontrerai sur les autres plans. Je parlerai avec elle sur les autres plans. Mais moi, je ne vais pas souffrir dans ma chair parce qu'elle est morte demain matin. Elle est morte, c'était son temps de partir. Bye! On se verra sur un autre plan. Mais si je fais de la philosophie avec la mort de ma fille, évidemment je vais souffrir. La souffrance, elle est philosophique en origine. La raison pour laquelle l'homme souffre, c'est parce qu'il pense. Mais dans l'aspect du mal qui est vécu comme une absence, ou même plus une privation, parce que le mal c'est toujours une privation de quelque chose. Le mal est une privation d'une chose, il est la privation de la puissance de l'homme. Si l'homme vivait, connaissait sa puissance, pouvait manifester sa puissance, le mal se retirerait devant lui. Mais sa privation est toujours proportionnelle à son aspiration au bonheur. Sa privation, elle est proportionnelle à son aspiration au bonheur parce que l'homme a l'impression que le bonheur fait partie de la vie. C'est une illusion. Les hommes ont cherché le bonheur depuis des siècles. Quand est-ce qu'ils vont se mettre dans la tête que le bonheur, c'est une illusion astrale? Ça fait partie de l'activité subtile psychique des mondes de la mort à travers le mental de l'homme. Qu'est-ce que l'homme a besoin d'être heureux? L'homme a besoin d'être en puissance. Alors, les causes du mal sont dans nos limitations. Les causes du mal sont dans nos limitations. Dans nos fuites. Dans nos fuites. Dans notre attachement à nos limitations. Dans notre attachement à nos limitations et à nos fuites. Le bonheur, c'est un exercice en futilité. La volonté, l'intelligence, c'est un exercice en réalité. Donc, il s'agit beaucoup moins de combattre le mal. Il ne s'agit pas pour l'homme de combattre le mal. Il ne s'agit pas pour l'homme de combattre le mal. Il s'agit pour l'homme de combattre ses limitations. Tout le monde combat le mal. On passe notre temps dans le monde à combattre le mal pour découvrir d'autres formes de mal. Il s'agit pour l'homme de combattre ses limitations. Pas le mal. Le mal, c'est une énergie. C'est une énergie qui ne se canalise pas bien à travers l'homme. C'est une énergie qui est manipulée, qui est interférée avec. C'est une contamination, c'est une pollution. Ça fait partie du fait que l'homme n'est pas intégral. Si l'homme est intégral, le mal n'existerait pas. Qu'on peut dire d'une certaine façon que le mal serait l'ombre de la lumière. Ah, voilà. Le mal, c'est l'ombre de la lumière, et il est nécessaire parce que la lumière doit être condensée dans la matière pour qu'elle puisse devenir un jour égale à elle-même à travers l'homme conscient futur de demain. C'est pour ça que le mal existe. Mais après des millénaires et des millénaires et des millénaires de stupidité, de gonflerie philosophique à tous les niveaux, dans toutes les églises, dans toutes les époques, à travers toutes les races et toutes les cultures, il faut un jour que l'homme individuellement se réveille et ait la puissance, la force interne de prendre sur lui le poids de ce qu'il sait. Il y a combien de gens dans la salle ici qui savent, qui sentent des choses depuis qu'ils sont jeunes, mais qui n'ont jamais eu le courage de le vivre, de l'affirmer, qui aujourd'hui commencent lentement à prendre le courage parce qu'il y a peut-être un bonhomme qui commence à dégueuler dans cette direction. Mais il y a des mondes, des peuples partout sur notre planète. Comme le bien peut être perverti et devient le mal. Même chose, le bien c'est l'envers du mal. Est-ce que le mal ne peut pas être converti dans un sens et devenir le bien? Autrement dit, est-ce qu'il n'existe pas une souffrance créatrice? Par exemple, si on prend un accouchement, c'est une souffrance qui est créatrice dans ce sens-là. Elle est créatrice, oui, elle fait partie de l'évolution, l'accouchement. Elle fait partie de l'évolution. Vous savez qu'est-ce que c'est occultement un accouchement? Un accouchement, occultement, c'est la mise en application du renversement de la polarité d'une énergie qui fait partie des formes lunaires dans le mental humain juxtaposées au mal créatif de l'évolution. C'est ça l'accouchement. Enfin, demandez-vous pas pourquoi les femmes ont de la difficulté à le vivre. Nous, les hommes, nous vivons sur le plan matériel, nous vivons un peu comme nous vivons notre vie sur la Terre, de la même façon que nous vivons notre expérience quand nous allons au cinéma. Vous allez au cinéma, vous voyez un bon film, et les gens qui regardent le film vivent en étroite relation avec ce qui se passe sur l'écran. Et il y en a qui vont même au-delà de la composition de la réalité, que ça, c'est une illusion. C'est la même chose avec l'homme. Nous vivons sur le plan matériel et nous croyons intensément à la rédaction, à l'édition de ce film. Et c'est simplement de la machination. C'est de la machination. Shakespeare, dans sa grande illumination, l'a dit. Il a dit, nous sommes des acteurs sur un stage, et ainsi de suite. Bah, tout le monde connaît l'histoire. Mais le problème avec ces bonhommes, c'est que personne dans le passé, parce que ce n'était pas le temps, ok, mais personne dans le passé a pu expliquer à l'homme qu'est-ce que c'est le stage, qu'est-ce que c'est le mouvement des acteurs derrière le stage, qu'est-ce que c'est la vie dans sa réalité, qu'est-ce que c'est la relation entre l'invisible et l'homme. Sans se faire omnibuler dans le mental par des entités, parce que souvent ces hommes ont une grande spiritualité, une grande sensibilité, sans se faire carrément influencer dans le mental par les intelligences sur les autres plans qui ne sont pas intéressées à ce que l'homme sache qu'est-ce qui se passe. Ils ne sont pas intéressés. C'est une perte de pouvoir. Vous pensez, vous regardez des types comme Marcos, vous regardez des types comme Duvalier. On va dire, écoute, Si le type voit bien qu'il va y avoir un bain de sang, il va être intelligent, il va se retirer. Si des hommes ne se retirent pas devant l'impuissance générative de leur propre cité, de leur propre société, comment voulez-vous que des entités dans les plans invisibles se retirent lorsque l'homme ne sait même pas qu'elles existent? Mais est-ce qu'on ne peut pas retirer du pouvoir au mal en créant une surabondance de bien, par exemple? C'est une illusion! Ça n'existe pas de surabondance de bien. Il n'y a que de la réalité, et la réalité ne contient que de l'intelligence et de la volonté, et ceci fait partie de l'évolution de l'homme. Qu'il y ait un homme, deux hommes, trois hommes, quatre hommes, dix hommes, cent hommes sur une planète, c'est tout ce que ça prend. De 100, il y en aura 200. C'est ça l'évolution. Il y a 2500 années de cette prochaine évolution et rien ne peut aller plus vite que ceci. Nous avons pris le temps pour passer de la quatrième à la cinquième race racine. Il y aura le temps du passage de la cinquième à la sixième et ensuite un petit peu de temps pour le passage de la sixième à la septième. Il n'y a rien à faire sur le plan social collectif. Là où il y a à faire, c'est sur le plan individuel. Et la prochaine évolution sera sur le plan de l'individualité. Les hommes conscients de demain seront des êtres totalement individualisés. Totalement individualisés. Ce sera la connexion directe entre leur propre lumière, leur esprit, leur double et leur ego. Il n'y aura plus rien entre les deux qui fera interférence. C'est ça la conscience. Les hommes seront dans le savoir, ils comprendront le monde de la mort, ils verront les interférences du monde de la mort, ils comprendront la souffrance s'il y a souffrance. Et ils comprendront l'absence de souffrance s'il y a absence de souffrance. Mais je vous assure que l'homme qui passe de l'évolution à l'évolution, il doit souffrir. Pourquoi? Parce qu'il a trop de mémoire. Il a trop de mémoire. Nous sommes mémoire. Nous ne faisons rien qui ne soit en dehors du mémoriel. Tous les concepts qui font partie de notre pensée subjective font partie de l'organisation psychologique de notre moi. Et l'organisation psychologique de notre moi, elle est l'expression de la vertu de notre civilisation, de notre société. Si vous êtes chinois, vous êtes chinois. Vous êtes japonais, vous êtes japonais. Américain, vous êtes américain. Russe, vous êtes russe. Nous appartenons à un groupuscule d'êtres humains qui ont tous la même inconscience. Et cette même inconscience, elle est chiffrée dans les anecdotes historiques de l'évolution. Comment se débarrasser donc de cette mémoire, puisque les sources du mal, on nous les fait remonter à l'aube de l'humanité avec l'histoire du péché originel. Qu'est-ce que vous pensez de ça, du péché originel? Qu'est-ce que vous pensez aussi de ceux qui disent que le mal, c'est le diable, c'est Satan, les forces sataniques, etc.? Moi, pour le moment, j'ai besoin d'un Kleenex pour me moucher le nez. Il y a quelqu'un qui a un Kleenex. Qu'est-ce que vous me demandiez? Y a-t-il un péché originel? Un Chinois, un Russe, etc., est-ce qu'ils vivent avec le même complexe de culpabilité que nous autres avec une histoire de péché originel? Est-ce que le péché originel, c'est pas tout simplement l'entrée de l'homme dans l'histoire? Je vais vous dire une chose. Je cherche les sources, les racines du mal. Oui, oui. Les racines du mal ne sont pas dans les racines de l'expression, elles sont dans les racines de l'attachement émotif à l'expression. Autrement dit, que l'homme ait expliqué au cours des âges qu'il y a eu un péché originel, mais il faut le comprendre. Qu'est-ce qu'ils ont voulu cacher, ces gars, ces écrivains, ces scribes? Qu'est-ce qu'ils ont voulu cacher? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire qu'ils ne pouvaient pas dire de façon claire? Donc, ils n'ont pas voulu cacher? Autrement dit, aujourd'hui, on écrit d'une certaine façon, puis il y a 10 000 ans, on écrivait d'une autre façon. Aujourd'hui, on essaie d'être clair. Il y a 10 000 ans, on essayait d'être le plus nébuleux possible, parce que les rois voulaient garder le pouvoir. Ce n'était pas donné à tout le monde. Il n'y avait pas de démocratie. Donc, il y avait les sages, il y avait les chefs, les grands prêtres. C'était le pouvoir, il était là. On n'enseignait pas les mathématiques à tout le monde. C'était dangereux. Et tous, la clé du pouvoir, la clé de la connaissance, elle a été gardée dans les mains d'une société presque hermétique jusqu'à pendant la période de